que l'on t'a étranglé dès l'horreur et nos rêves que l'on crève sans un remords. Toujours leurs valeurs qui ont cours, les gardiens de leur tour indécents. C'est impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Poser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Encore la censure pour des corps. Nos esprits qu'ils essorent. Avant tout.